Il n'est pas arrivé au pouvoir par voie d'élection, mais enfin, il était largement soutenu par un grand mouvement populaire de la jeunesse. Et donc, il a fait un premier, c'était pas un mandat, parce que c'était une autorité, c'était une transition. Puis après, il était en 2013 ou 12, où je crois, il a été contraint de pas se représenter. Enfin, les instances internationales ont organisé des élections où il n'avait pas le droit de se présenter. Donc, pendant un mandat, il n'a pas été là. Et puis ensuite, il s'est représenté aux élections. Il a été élu deux fois jusqu'en 2023. Il a été réélu dans une situation très contestée, puisqu'en fait, l'opposition lui contestait le droit de se présenter parce qu'il avait la nationalité. On a découvert qu'il avait pris la nationalité française lors de son séjour en France, ce qui n'était en principe pas autorisé par la Constitution. Et donc, c'était des élections qui ont été boycottées très largement par l'opposition. Il avait été élu avec à peu près 50% d'abstention, même plus de 50% d'abstention. Voilà. Donc, voilà la situation politique. C'est une démocratie électorale, on va dire. Il y a pas mal d'éléments caractérise une démocratie, mais c'est une démocratie très imparfaite, avec pas mal de dérapages, de tendances un peu, comment dire, ouais, je ne veux pas dire des mots trop forts quand même, mais des dérapages autoritaires de la part du gouvernement. Donc voilà ce qu'était la situation politique à Madagascar, puisque c'est ça votre question. Mais donc vous dites qu'il a enfreint la loi en prenant la nationalité française et que donc il y a eu environ 50% d'abstention dans les votes. Mais est-ce qu'il a empêché ses opposants de se présenter aux élections? En fait, il n'a pas enfreint la loi en prenant la nationalité française, mais il a enfreint la loi en se présentant à la présidence de la République avec la nationalité française. C'est ça qui n'est pas, a priori, autorisé par la Constitution. Non, l'opposition a boycotté, ils ont essayé de faire invalider sa candidature, ils ont boycotté, ils ont quasiment pas fait de campagne, pratiquement aucun des opposants n'a fait de campagne jusqu'à la dernière minute. Et lui, par contre, a inondé Madagascar de t-shirts à son effigie. Voilà, il aurait peut-être gagné dans les urnes. Rien n'est impossible dans la matière, parce qu'on a vu des choses comme ça. Il aurait peut-être gagné de toute façon, même si l'opposition avait pu faire campagne en même temps que lui, mais pas avec les mêmes moyens. Les moyens dont il disposait étaient énormes. Est-ce que vous savez alors m'expliquer ce qui a poussé les jeunes malgaches à se révolter dernièrement, de quoi ils se plaignent exactement, quelles sont leurs revendications? Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Je pense que vous avez dû voir ça. Et c'est un pays qui a une trajectoire économique très, très particulière, puisque depuis les années 60, depuis l'indépendance, en tendance, le PIB par tête n'a pas cessé de baisser. En réalité, c'est un pays qui ne cesse de s'appauvrir, qui a une trajectoire tout à fait particulière, même si on la compare avec d'autres pays africains qui n'ont en général pas non plus des trajectoires économiques faramineuses, mais qui connaissent quand même une petite croissance par tête. Or, eux, à Madagascar, alors que c'est pas un pays qui a connu la guerre, alors que c'est pas un pays qui c'est pas un pays du Sahel, qui a des ressources naturelles, c'est un pays qui s'enfonce dans la misère d'une certaine façon. Et ce qui est particulier dans ces 15 dernières années, c'est que la pauvreté urbaine a énormément augmenté. Ce qui fait que le monde urbain est en passe de rattraper le monde rural qui était dans les calculs statistiques, beaucoup plus faible, beaucoup plus pauvre que le monde urbain. La situation urbaine, parce que ce sont des urbains qui se sont développés, hein, la situation urbaine s'est considérablement dégradée. Les possibilités d'emploi pour la jeunesse sont extrêmement faibles. Le taux d'emploi est de 50%. La possibilité de trouver un vrai emploi pour ces jeunes étudiants est extrêmement fermée. Donc, ils enchaînent des formations, des formations, des formations, des petits boulots de rien du tout. Donc, il y a des aspirations non satisfaites, je pense un découragement très important, un discrédit très très fort de la classe politique. Mais ce qui a déclenché Les mobilisations, c'est en fait les coupures d'électricité, ce qu'on appelle le délestage à Madagascar, qui sont récurrentes, qui durent 10, 12 heures par jour. Donc, pas d'électricité, c'est aussi pas d'eau qui peuvent remonter avec les pompes, et donc des difficultés. Et donc, c'est ça qui a déclenché, enfin, c'était le slogan. Ce qui a déclenché, c'est pas ça. Ce qui a déclenché, c'est l'inspiration, c'est ce petit monde urbain. Étudiants, ils sont très très connectés, beaucoup plus que leurs aînés, beaucoup plus que l'ensemble de la population d'une façon générale. Et donc ils sont en ligne, en lien aussi avec d'autres mouvements ailleurs. Et je pense que l'inspiration, notamment du Népal, a été très très forte, quoi. Et donc on voit bien qu'ils ont repris les mêmes slogans, les mêmes façons de faire, les mêmes modes d'organisation. Donc il y a l'effet réseau et puis il y a globalement, le découragement, le ras-le-bol qui se manifeste depuis plusieurs années, quoi. Mais enfin, les réseaux ont permis une forme de mobilisation qui n'était pas possible parce qu'il y a peu d'organisations. En réalité, ce qui manque à Madagascar, c'est des corps intermédiaires. Et donc, il y a peu d'organisations en mesure de fédérer les mécontentements. Donc, les gens sont très, très isolés les uns des autres, d'une certaine façon, quoi. Ouais. Et donc là, si je me trompe pas, le président, il s'est enfui en France. Il y a des factions armées qui ont pris le pouvoir. Donc pour l'instant, ce mouvement de la génération Z, il commence à porter ses fruits. En tout cas, ils ont obtenu déjà une petite victoire. Maintenant, c'est quoi? Quel impact est-ce que ça va avoir sur le pays? Parce que du coup, on s'attend à des grands changements. Est-ce que vous pensez que la jeunesse, elle peut vraiment changer les choses en continuant à manifester? Et combien de temps est-ce que ça risque de prendre avant de retrouver une situation plus ou moins stable? Voilà, la situation a l'air d'être stable parce qu'effectivement, c'est une faction de l'armée qui s'est mobilisée, mais maintenant, ils ont réussi à fédérer l'ensemble des corps de l'armée et celui qui, le colonel de la CAPSAT, qui a été désigné comme chef de l'État actuellement, il est à Laval, il est adoubé par l'ensemble des corps militaires, gendarmes, police de Madagascar. Donc, ça c'est pour le premier point. Sur ce que le fait que vous dites que les jeunes ont gagné, les jeunes et tous ceux qui se sont mobilisés, parce qu'en fait ils ont initié quelque chose, mais enfin, globalement il y a un discrédit très très important. Là où ils ont gagné, c'est qu'effectivement, parmi les slogans qui se sont développés ensuite, c'était dégage, hein, le dégagisme. Et donc, effectivement, ils ont réussi à faire partir. À dégager le président, ils n'ont pas réussi à mettre la main dessus, mais ils ont réussi à le faire dégager. Il ne reconnaît pas pour l'instant, donc il faut attendre de voir comment ça fonctionne. Enfin, a priori, il n'a pas grande chance de pouvoir reprendre les rênes du pouvoir. Ils ont réussi, les militaires disent qu'ils sont à leur écoute, ils dissolvent toutes les grandes institutions corrompues, telles que la Haute Cour constitutionnelle, telles que la CENI, enfin d'autres institutions de ce type. Donc pour l'instant, les militaires accèdent à leurs principales demandes. De là à dire comment ils vont être ensuite intégrés, sous quelle forme ils vont pouvoir être intégrés à ce qui va se passer, rien ne le garantit, puisque comme je l'ai rappelé, Andry Rajoelina lui-même a été porté par la jeunesse et on a vu ce que ça a donné après coup. Donc, l'histoire dira que si les militaires vont être capables de faire quelque chose, enfin, est-ce qu'il va vraiment s'inventer des formes de participation nouvelle de cette jeunesse? Ils sont quand même très jeunes et ils sont très organisés en termes de réseau, mais en même temps, ils sont pas préparés à des prises de position véritablement dans l'espace public, quoi. En tout cas, une prise de position en termes de parole, mais en termes d'action au sein du gouvernement, je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment. Enfin, il va falloir qu'ils se bougent beaucoup, mais est-ce qu'ils vont être vraiment intégrés ou est-ce qu'ils vont rester chez eux? J'en sais rien. Les Malgaches sont très légalistes, donc en fait, je ne sais pas s'ils vont réussir à maintenir un courant de mobilisation pour. Exercer une pression d'une certaine façon sur les gouvernants de façon à ce qu'ils modifient les choses, quoi, dans le bon sens. Donc, ce que ça va devenir, je n'en sais rien du tout. Et vous ne pensez pas qu'il y a quand même un gros risque que ça devienne un pouvoir autoritaire, voire une dictature militaire, puisque même si c'est le peuple qui l'a voulu, les militaires, c'est maintenant l'armée qui est au pouvoir. Oui, alors ils disent qu'ils vont. L'armée a toujours été un peu présente, mais l'armée, en fait, elle est faite de plusieurs blocs. Je ne crois pas, moi, un pouvoir. Enfin, un pouvoir autoritaire. Le précédent a été autoritaire. De toute façon, l'autoritarisme d'État, il a toujours été là. Ils disent qu'ils veulent faire un gouvernement avec une large place aux civils. Il y a déjà eu un directoire militaire à Madagascar en 72, de 72 à 75. C'était pas la dictature militaire comme il peut y avoir aujourd'hui au Mali ou au Burkina Faso. Je pense pas que ça c'est pas dans c'est bête de parler d'ADN, mais c'est pas tout à fait dans l'ADN de la culture malgache ça. Donc je n'ai pas exactement peur de ça, mais par contre, est-ce que le nouveau pouvoir va être capable de prendre des il faut vraiment réformer en profondeur, enfin, il faut tout changer, et ça, c'est compliqué parce qu'il y a des états de force, les intérêts multiples et variés, c'est pas aussi évident de tout mettre à bas pour construire quoi et comment, ben, ça, j'en sais rien. Donc, je suis pas a priori optimiste sur ce qui va se passer. Je crois pas à une dictature militaire comme il en existe sur le continent africain. Mais je ne crois pas non plus forcément que. Toute la question est de savoir comment ces jeunes lettrés vont pouvoir être intégrés, pris en compte. Est-ce qu'ils vont même le vouloir? Est-ce qu'ils vont être capables de s'affirmer? Très bien, merci beaucoup. Eh bien, bon courage. Ben, si vous produisez quelque chose, ça m'intéresserait de savoir que vous m'envoyez votre production. Ah ben ça va, normalement on le mettra en ligne jeudi prochain, donc je pourrai vous envoyer le lien si vous D'accord, voulez. très bien. Parfait. Merci. Eh ben merci beaucoup à vous. Merci, Bonne au revoir. soirée, au revoir. Au revoir.